Bonjour, bonsoir, bon matin, autre chose aussi, et bla bla bla. Seigneur Anna, et bienvenue à ce podcast appelé Gracou. C'est moi qui parle, François Faustin. Et vous allez m'écouter pendant les prochaines 15 minutes à dire n'importe quoi. Parce que ce podcast n'est juste une raison pour moi de parler tout seul. Sauf que le nombre d'auditeurs que j'ai à date. Anyway. C'est l'été. Ça fait 4 ans déjà. Le soccer arrive. Vous avez sûrement vos équipes. Juste pour vous dire que Beckham ne sera pas là cette année. Alors, moi j'ai plus d'équipe. Alors, je suis retombé sur les Français. Je suis les Français. Surtout en allant au Globo pour m'acheter un sac de sport. Parce que celui que j'ai, il est déchiré à cause de tous les hardcover, les trades que j'achète. Il y a eu un petit trou sur le côté. Aussi, ça commence à déchirer sur le haut. So, j'ai acheté ce bracelet qui est. Vous savez comment on bouge et l'image change? Eh bien, c'est ça que j'ai acheté. C'est marqué France, il y a un petit drapeau dessus. Quand tu le bouges, ça marque France. Puis il y a le symbole du poulet en or qui brille. C'est assez cool. Surtout comparé à ceux de la Portugal puis du Brésil qui étaient juste très simples. Oh, j'ai pris celui de la France. Je risque de me faire battre dans la rue, mais who care? Chaque 4 ans, un petit combat. Quoi d'autre encore? Comme j'ai dit, Beckham sera pas là, alors mesdames, c'est plate. On pourra pas voir Victoria. J'aime Victoria. Je préfère Jerry. Anyway, juste pour vous dire que ce podcast n'est pas commandité par Fantan Horizon, Madame Madadan. Ouais. Et en passant, je dis pas Press of Tennis. Je suis plus du genre à Press of Penis. Non, en passant, je vais être vulgaire durant ces 15 minutes, alors emmenez vos enfants. Gorgé. Ah, ça goûte la peau de raisin. Ouh. Et quoi d'autre? En regardant le vidéo podcast de HD Nation, j'ai su que la deuxième saison de True Blood sortait aujourd'hui. En allant chercher ma nourriture cambodgienne, puis mon sac, puis mon bracelet à la dernière minute, je suis allé chercher la deuxième saison. L'édition spéciale Future Shop où qui parle de cossins qui font avec les producteurs et les acteurs. C'est je viens de lancer mon bracelet. C'est très. La première saison était très divertissante. Pardon. Ah, ça c'est Chinese. Ouais. La première saison divertissante. C'est pas ces histoires de vampires ou à la Dracula ou à Twilight. C'est vraiment une histoire de vampire sud-américain à la Louisiane. Ils ont tous un accent de redneck. Le sang de vampire là-dedans c'est une drogue. Puis on voit Suki, une humaine télépathe. Qui fourre un vampire assez souvent, comme à chaque quoi. Deux épisodes. Non, chaque épisode. Chaque deux épisodes. Bill Compton, le vampire, il cogne son bâton dans un bain. Alors, ouais. Aussi, il y a un noir homosexuel avec un drap sur la tête qui s'appelle Lafayette. À cause de lui, maintenant j'ai un surnom, le surnom de Lafayette. Il est cool, quand même. Lui, il y a un site internet pornographique. Moi, j'ai un podcast. Peut-être je vais peut-être faire de la pornographie sur ce podcast-là. Joking. Quoi d'autre? Oh, je me rappelle aussi d'écouter Iron Man, le dessin animé, non le film, de 1994, pour celui qui vient de sortir. C'est spécial. Et c'est un dessin animé des milieux des 90 avec Sentry et une base Open Sentry. Fuck. J'adore Sentry. Mais avec Iron Man et une base du Avenger appelée le Force. J'oublie le nom, fuck it. Bon, anyway, c'est une n'existe plus. Mais, c'est ça, il y a Hawkeye avec Iron Man, Spider-Woman, Julia Carpenter, il y a Scarlet Witch, puis fuck, je pensais c'était Black Widow, parce qu'elle était habillée comme une prostituée, puis elle avait des cheveux courts. Sérieux, je pense qu'il y a une shot dans un épisode où on voit les fesses de Scarlet Witch. C'est comme, yo, si à Scarlet Witch, je ferais ça, elle t'aurait tué. Sérieux. Elle s'en sent même pas, c'est comme, oh! À un moment donné, ils ont dit, oh, Wanda, non, non, non, what? Scarlet Witch? Ça paraît, c'est 94, parce que presque 10 ans plus tard, elle voit tous les humains, les mutants, presque 90% de la population mutante, man. Puis, ça l'est vraiment poussé, parce que c'est comme une des amours de Iron Man. Aujourd'hui, genre, on la reconnaît plus pour la bonne femme qui a tué la plupart des mutants. Oh. Et oui, aussi, il y a un personnage appelé le Centurion. D'où, what the fuck il sort? Je sais pas, mais il est là. Ninja. Sinon. Oh, le iPad le 28 mai. J'essaie d'économiser un paquet de cash. Je voudrais avoir un iPad. C'est quoi? 60 gigs. Extrêmement cher. 64 gigs plutôt. Très cher. Qu'est-ce que je vais faire avec? Vous me dites. Il y a des comic books, pas de la musique. Yeah. J'ai un iPhone. C'est juste un gros cossin. Je m'en sers aussi pour. Un gros iPhone, je m'en sers pour écrire mes scénarios de bande dessinée que j'ai jamais foutu compléter. Alors, ça a été assez efficace parce que je préfère mieux écrire sur mon iPhone que sur mon clavier d'ordi et avoir un gros iPad pour écrire parce que j'aime écrire sur l'écran. Ça va peut-être me rendre plus productif, puis je pourrais peut-être avoir une bande dessinée d'écrite et de sortie dans 3 ans, au mieux 10. Et récemment, j'ai acheté le Giga bande dessinée Black Hole. C'est pas un porno, mais presque. Ça se passe dans les Black Hole. C'est écrit par Charles Burns, premièrement. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait d'autre dans sa vie, mais c'est Charles Burns. Ce monsieur nous balance dans une histoire de qui se passe à Seattle dans le milieu des années 70. Tout le monde fait de l'acide, fume du pot, boit de l'alcool, et yada yada. Eh bien. Dans cette histoire, il y a une infection qui est transmise au contact sexuel qui te rend mutant. Soit un peu plus subtil, soit des fois non fucking subtil, ou tu ressembles à comme Frankenstein ou un de ces mutants qui est atroce dans les films d'horreur. Et sérieusement, je suis rendu à beaucoup plus que le milieu et je passe plus la moitié du temps à regarder les dessins noir et blanc fantastique de Charles Burns qu'à lire l'histoire. Que si vous aimez vraiment le l'art, mais vous aimez pas le noir et blanc, c'est vraiment la chose à lire. Juste la façon qu'il fait son ombrage sur les détails du visage, c'est fucked up. J'essaie de recréer ça au crayon. C'est On dirait qu'il fait comme des shades de gris, mais c'est pas des shades de gris. Vous voyez directement sous le cover de quoi je parle, si vous marquez Backhole Charles Burn avec un S. Sinon, vous allez tomber sur un site porno et ça, c'est pas mon problème. Oui, Miss des années 70, infection sexuelle qui se transmet sexuellement. On voit plein de choses, on voit de la drogue, on voit du sexe. Je me demande vraiment quel âge les personnages ont parce que c'est vraiment jailbait comme livre. Mais c'est bon, si vous êtes capable de lire. Mais c'est beau, si vous faites juste regarder les images. Quoi d'autre? Mais juste avant, une petite gorgée de Fanta. Madame Maladan, Place of Penis. Bah ça, c'est mon ami Claudia qui m'a dit de faire ça. Dégueulasse. Tout d'un coup, ça devient dégueu. Je pense que j'en vois trop. Fuck. Let's go. Qu'est-ce que je fous d'autre de mes journées? Oh, fuck, yeah. J'ai commencé à faire un modèle de Gundam. Récemment. J'ai fini hier. J'ai fait quoi en 5 heures? C'est le Infinite Justice de Gundam Seed, le Gundam Rose. Il est fucking fucked up. Il est sur mon bureau, il chill. Ça coule douce. J'ai vu le deuxième de Gundam Seed, Destiny, appelé le Legion, que je devrais faire soit après ce podcast ou pendant mon autre congé. C'est amusant. C'est trip, ça fait comme 10 ans que je vais en faire. Et moi, je voulais pas m'en acheter. Maintenant, j'en ai pour moi parce que je l'ai acheté au quartier chinois. Je sais pas si c'est des legit. Parce que j'aime acheter les choses directement de des créateurs et non de des bootleggers. Mais j'ai un Gundam. Yeah. Laissez parler, je pense. Je me déconnecte. Puis pour votre information. Je t'en slip.